Scheherazade vous revient pour poursuivre le récit. Après tout ce que je vous ai raconté, je crois nécessaire de commencer, à présent, par vous dire, très chers parents, ne soyez pas inquiets. Le Colisée n'est plus une arène de massacres et de sang, présidée par l'hystérie. Il n'y a plus de gladiateurs, de martyrs et d'esclaves pour divertir la cruauté du peuple. Maintenant, il a la télévision. Elle permet aux gens, confortablement assis, d'assister aux violences de toutes sortes dans le monde. Ils jouissent de ce spectacle où ils constatent le malheur des autres en se croyant à l'abri. Ils oublient que, désormais, la planète devient chaque jour plus petite, qu'à force d'ignorer le malheur des autres, il finira par rejoindre ceux qui en profitent d'une manière directe ou indirecte. Et ce malheur retombera sur eux de manière pacifique par l'immigration ou violente. Inutile et dérisoire de jouer à l'autruche en enfonçant la tête dans le sable, c'est-à-dire en ignorant ce qui ne va pas dans le monde. Moi aussi, je ne me sens pas en sécurité. Un soir, j'étais dans une gare, à Milan. Une petite valise attira mon attention. Personne n'était à côté, j'en fus préoccupé, j'attendis une quinzaine de minutes, personne ne vint la prendre. Alors, j'ai cherché des agents de sécurité et je les ai avertis. D'abord, ils semblèrent étonnés d'entendre ce que je leur disais. Oui, ai-je pensé, j'ai le visage d'un immigré. Donc, automatiquement, les agents de l'ordre, comme on dit, en me voyant, se méfient. Je ne m'en suis pas fait un souci. Ils apprendront que nous ne sommes pas tous des assassins. Des agents spécialisés dans le contrôle des objets furent appelés. Ils ont examiné la valise. Par chance, elle avait été réellement égarée. La meilleure bêtise, je viens de l'entendre ces jours-ci, à l'occasion de l'arrivée d'immigrés clandestins par mer. Un dirigeant politique a déclaré que parmi eux se trouvent également des terroristes. Quelle stupidité ! Ou quelle odieuse manipulation ! En effet, les terroristes n'ont pas besoin de risquer leur vie sur une barque. Ils disposent de réseaux de soutien qui leur fournissent tout ce qui est nécessaire pour passer aisément les frontières, faux passeports, argent, etc. Alors, ce dirigeant politique est-il un crétin ? Je ne le crois pas. Il veut simplement, lui, terroriser verbalement la population en évoquant un danger inexistant et l'adresser contre les immigrés clandestins. Pourquoi cela, me demanderez-vous ? Eh bien, pour détourner l'attention des citoyens des problèmes plus importants qui les menacent, par l'application actuelle de la politique d'austérité qui les appauvrit au profit des riches. Toujours et partout, cette tactique fut utilisée par les gens au pouvoir. Focaliser l'attention du peuple sur un faux problème, pour lui faire oublier ou accepter un vrai problème. Cette méthode s'appelle l'utilisation d'un bouc émissaire. Et aujourd'hui, le bouc, c'est l'immigré, comme hier, c'était le juif ou l'étranger. Qui me garantit que, dans un lieu public, une bombe artisanale ne me réduira pas en poussière, ici, à Rome? Tous les policiers du pays, tous les plans antiterroristes ne sont pas une garantie suffisante. J'ai déjà exposé la seule manière efficace d'éliminer cette menace. L'égalité en échange de la sécurité. Tu te rappelles, maman, le roman de Victor Hugo? Qu'est-ce qui a permis à l'évêque, nommé par ses paroissiens, Monseigneur Bienvenu, de dormir en laissant la porte de sa maison ouverte? Le fait de n'avoir fait de tort à personne, et même s'il offre le logis à un inconnu, en l'occurrence Jean Valjean, qui en profite pour lui voler des plats d'argent, eh bien, le nommé bienvenu lui offrira également ses deux chandeliers, en constatant qu'ils ne lui sont pas indispensables. Voilà comment d'un méchant galérien, l'évêque bienvenu a fait un homme de bien, et ce dernier le restera, malgré toutes les méchancetés dont par la suite il pâtira. Il y a aussi le football. À l'occasion de compétitions, certains citoyens, se croyant intelligents, jettent des bananes, par signe de mépris, vers un joueur de peau noire. En Algérie, il y eut pire. À l'un de ces joueurs africains, des spectateurs ont jeté des pierres, et il en est mort. Décidément, les bipèdes humains ont des difficultés à s'affranchir de leur sauvagerie. À qui la faute? À ces derniers? Ou, d'abord, au système social qui les a produits? Je vous ai réservé la plus splendide information pour la fin. La voici. Mon amie française m'a invitée au défilé du 1er mai, la fête internationale des travailleurs. Bien entendu, j'y suis allée. Tôt le matin, nous nous sommes retrouvés près de l'endroit que j'appelle la place du monde, où, avec moi, habitent de nombreux immigrés, en majorité réguliers. Le soleil printanier qui illuminait la rue réchauffait également mon cœur. Il battait fort à la vue de toutes les personnes qui m'entouraient. Outre des Italiens, des gens de tous les pays, Africains, Latino-Américains, Moyen-Orientaux, Nord-Africains, Pakistanais, Afghans, du Bangladesh, des États-Unis, quelques Russes et même des Gitans. Il y avait aussi des couples avec leurs petits-enfants, quelques-uns bébés dans la poussette, la bouche mordant la sucette. Des dirigeants firent des discours. Mon cœur s'agita davantage. On dénonçait de manière ardente, avec les mots adéquats, l'exploitation subie par les travailleurs étrangers, pire que celle subite par les autochtones. On exigeait des droits égaux pour tous les travailleurs, sans distinction de nationalité. On vantait les avantages de la fraternité entre les prolétaires du monde. On demandait l'abolition de toutes les frontières pour instaurer un pays unique, la planète Terre. Que la liberté d'expression est belle quand elle proclame haut et fort la vérité et son frère, l'idéal. En conclusion, un jeune d'une quarantaine d'années, un Italien, hissa en l'air un drapeau moitié noir, moitié rouge, et cria, d'une voix pathétique, d'un ton surgi du fond le plus pur de l'âme, « Sorelie, fratelli, solidarietà, sœur, frère, solidarité !» À cet appel, mes yeux se gonflèrent de larmes. Je me suis efforcé de me convaincre que je ne rêvais pas, que cet Italien, que ces trois mots, que tous les gens parmi lesquels je me trouvais, que tout cela était réel, comme la fulgurance d'un étincelant soleil dans un ciel nuageux. Une musique gitane d'accordéon se fit entendre, et le cortège s'ébranla, lentement, avec assurance et force. Mon cœur s'est mis à battre encore plus fort, au point que j'entendais son rythme dans les veines de mes tempes. Je n'étais plus seul, isolé, méprisé, ignoré, menacé, à la merci de n'importe quel mal intentionné. Je n'étais plus un étranger, un métèque, un immigré. J'étais un être humain, parmi mes semblables, mes frères et mes sœurs, mes camarades, mes compagnons de condition et d'espérance. J'étais une partie indissoluble d'un ensemble chaleureux, un rayon d'un astre lumineux. Mes pieds ne marchaient pas en Italie, mais sur la terre de la République universelle et fraternelle, égalitaire et solidaire. Il n'y avait plus de nationalités différentes, de classes sociales belligérantes. Il n'y avait plus d'exploiteurs, plus de dominateurs, plus de menteurs, mais seulement des travailleurs. À la mélodie de l'accordéon gitan s'ajoutèrent les battements énergiques et joyeux des tambours africains, puis la musique de l'internationale se lança dans l'air. À mon côté, mon ami chanta, en français, « Debout !» Les damnés de la terre, debout, les forçats de la faim. Le monde doit changer de base. Nous ne sommes rien, soyons tout. Oh, les mots justes, les mots qu'il fallait, et dans un poème, devenu chant, hymne, symbole de l'émancipation collective, et qui en était l'auteur? Un ouvrier cordonnier, comme mon père. Rappelez-vous toujours son nom, Eugène Potier. » Ma poitrine se souleva brusquement, les larmes coulèrent en abondance, continuèrent à couler. Mon ami s'interrompit et me demanda, inquiète, « Qu'y a-t-il ? » Je lui ai souri le mieux que je pouvais et répondis, d'une voix tremblante d'émotion, « Ce sont des larmes de joie, de joie. Je suis heureux, heureux. Je n'ai jamais été aussi heureux. » Elle fut remuée, elle aussi. Et nous avons continué à marcher, tandis que sur mes joues ruisselaient les plus bienfaisantes larmes de mes yeux. Le soir, ce bonheur continua. Certains d'entre nous se sont retrouvés sur la place du monde. Là, accompagnés par des musiques de divers pays, nous avons dansé sur des airs de tous les continents. Enfin, enfin, j'étais enchanté par le spectacle de visages de toutes les couleurs, échangeant des sourires de fraternité retrouvée. Je ne rêvais pas, ce rêve était réalité. Même si je ne devais vivre que ce 1er mai, ce défilé, ces danses, ces sourires et ces rires d'empathie réciproque, j'accepterais toutes les épreuves de l'exil, parce qu'elles m'auraient fait connaître une journée et une soirée où j'étais un parmi mes semblables. Je vous souhaite de tout cœur de vivre de tels moments. Je le souhaite à tous les assoiffés de respect. J'arrive, enfin, à la conclusion. Je vous assure que, malgré tout ce que j'ai dit, j'aime vivre dans cette ville. Pour moi, Roma n'a jamais été celle des clous renversés, appelés obélisques, qui furent volés de pays conquis. Elle n'est pas le lieu où se dressent des monuments proclamant l'arrogance des puissants. Elle n'est plus la Caput Mundi d'un impérialisme prédateur où toutes les routes furent construites pour y porter les butins des guerres entreprises par des voleurs. Aujourd'hui, d'autres capitales, hélas, ont pris la relève de cette abominable pratique. Roma, tu es pour moi féminine. Sans jouer au macho, j'admire les seins nus de tes coupoles, les lèvres rouges de tes toits, et ta charmante coquine Barcaccia. C'est le terme affectueux pour désigner la barque. De Piazza di Spagna. Cet esquif, je vous le fais remarquer, a des formes qui suggèrent l'amour, et non l'émigration clandestine. Roma, et je t'appelle Mia, la mienne. Tu m'as conquis par tes magiques ruelles faites pour les baisers. Tu m'enchantes par tes places construites par les génies de ta renaissance. Tu me ravis par tes fontaines ruisselantes d'eau potable gratuite. Cependant, pardonne-moi la franchise. Elle est la preuve de l'amour que j'ai pour toi. En admirant tes fabuleux édifices historiques, mon plaisir est mêlé de peine à cause de la sueur et du sang des extra-communautaires d'autrefois qui les ont construits de leurs muscles et de leurs nerfs. Je t'aime, Roma, surtout la nuit, au mois d'août, quand tes brillants habitants t'abandonnent et que tu offres à mes pieds, à mes yeux, à mes mains, à mes désirs, ta beauté envoûtante. Alors j'aime lire ton nom à l'envers. Amor, amour, et pourtant Roma, amor mio, et cela je dois te l'avouer. Il y a des moments où je donnerais tout pour retourner, ne fût-ce qu'un instant, dans le quartier où je suis né, parmi mes chers parents, mes sœurs et frères et mes amis. Puis, aussitôt, je réfléchis, quel idiot je suis. Cette planète entière est le lieu où j'ai vu la lumière du jour, même si, dans certaines parties, ne m'ait pas reconnu le droit de résidence et de vote. On n'est qu'au XXIe siècle. Si l'humanité ne veut pas périr châtiée, elle doit accueillir ses enfants délaissés et maltraités. Excusez-moi si j'ai été long, mais comment parler de moi sans penser aux autres, dont les souffrances sont plus intolérables que les miennes? Pardonnez-moi les propos qui manquent de gaieté, bien que celle-ci constitue la boussole de ma vie. J'aurais voulu vous écrire un livre entier, tant il y a des choses à vous dire, à vous faire connaître. Je vous écrirai d'autres lettres, de temps en temps, quand j'en aurai plein la patate, comme on dit, et que j'estimerai que vous pourrez lire sans trop de peine. Maman, papa, mes sœurs, mes frères, encore une fois, je vous demande, je vous prie, je vous supplie de ne pas vous inquiéter pour moi. Comme dit maman, tant qu'il y a la santé, tout peut s'arranger. Et puis, mon étoile brille encore, puisque j'ai la chance d'avoir une amie, pour laquelle comprendre et aider sont un plaisir, puisque, à Rome, vit une minorité de gens vraiment bons, puisque chaque année j'ai rendez-vous avec le défilé du 1er mai, puisque, enfin, existe cette splendide expression italienne « La speranza è l'ultima a morire ». L'espérance est la dernière à mourir. Alors, de cette ville qu'on appelle éternelle, je vous envoie, à vous toutes et tous, qui me manquez si profondément, mais qui accompagnez mes jours et mes nuits, même de loin, dans les moments difficiles comme dans les instants agréables, je vous envoie mes baisers les plus affectueux, les plus tendres, les plus chaleureux, les plus tout ce que vous aimez, avec tellement de joie et tellement de nostalgie. Kadour Naïmi a choisi pour illustration musicale les « Danses sacrées et danses profanes » de Claude Debussy, interprété par The United States Marine Band, licence CC et PD du site musopen.org.